Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. On se retrouvera en direct d'ici une ou deux semaines, j'ai plus les dates en tête. Je crois bien que c'est la semaine prochaine, le dimanche 18 février. Dans l'émission de ce soir, quelques petites nouveautés, notamment dans l'aspect française, Necrorage, Exocrine, pour ne citer que cela. Nous aurons également les Belges de Klisma et quelques autres formations qu'on s'égradera tout au long de l'émission de ce soir. La doublette d'ouverture se fait tout en violence avec tout d'abord le groupe de death metal Vitriol qui nous vient des États-Unis, actif depuis 11 ans maintenant. Ils viennent de là de sortir leur second album studio, excellent successeur à l'album The Bath from the Throat of a Cowardice qui était sorti en 2019 et qui n'était pas passé inaperçu. 10 titres pour près de 50 minutes, on est donc sur une prod plutôt généreuse. Et à noter l'arrivée de leur nouveau cogneur, Matt Kilner, qu'on a diffusé récemment via le groupe Nithing, qui n'est autre que son projet personnel. En doublette avec Vitriol, Esquela Grind, qui nous sort un nouvel EP, le groupe de Death Hardcore Grindcore, qui voilà, nous sort un Death Metal, le nom très sobre de ce nouvel EP. Voilà, notez un petit feat de Napalm Death au passage sur cette EP. Voilà, c'est plutôt bref, c'est violent cependant. Vitriol, tout d'abord, voilà, un album ultra soigné, extrêmement riche, assez épuisant à l'écoute, hein, parce que ça va vraiment chercher dans le death metal le plus brutal et le plus inspiré qui soit. Une totale réussite, cette nouvelle sortie studio. Qu'est-ce qu'on peut préciser de plus? Eh bien, tout simplement, les morceaux que l'on va s'écouter. Vitriol, Nothing from the Mother Wound, extrait de l'album Suffer and Become. Esquela Grind, Punishment Ritual, extrait de l'EP Death Metal. C'est parti, et bienvenue à toutes et à tous. Cracks in the rise! doublette suivante, l'ouverture de cette doublette suivante nous permet de rester aux États-Unis avec tout d'abord Megacolossus, le groupe de heavy qui nous vient de Caroline du Nord, actif depuis une vingtaine d'années. C'est le quatrième effort studio qui vient de sortir chez Cruz del Sur. On est sur une grosse inspiration heavy hard rock qui sointe bon la grosse vague anglaise des 80s, avec voilà une approche un peu plus moderne cependant, sans tomber dans le true heavy à la sauce Eternal Champions. Ça reste plutôt tubesque et ça s'écoute très très bien. 6 titres pour des compos généreuses allant de 5 à 7 minutes. Voilà, ce nouvel effort studio de Megacolossus est à découvrir, puisque vraiment une chouette sortie. Soulbrood, ensuite, première nouveauté dans l'émission de ce soir. On est sur du Black Atmo qui vient du Danemark, actif depuis une quinzaine d'années. C'est le quatrième album qui vient de sortir. 7 ans se sont écoulés depuis le précédent. Le concept des précédents albums, c'est qu'il renfermait 4 morceaux très généreux. Et là, on a juste un double album avec 4 fois 2 morceaux. Quelques petites interludes cependant. Les titres vont de 6 à 17 minutes. Un album au total qui avoisine donc les 1h30. On est sur un black chanté exclusivement en danois. Des compos qui vont chercher très très loin au niveau des ambiances, enfin très loin en termes de panel. On est sur du black plutôt agressif, typiquement scandinave, avec cependant des alternances qui vont chercher du côté de l'atmosphérique façon cascadienne black metal, et voire même quelques petits relents un peu plus doom. Les présentations sont faites pour Soulbrood. Au niveau de la musique, on va s'écouter les morceaux suivants. Megacolossus, le titre Showdown, extrait de l'album du même nom. Soulbrood, le morceau Tag, extrait de l'album sobrement intitulé 4, 4, 3, Free, pas du tout Fear, enfin je sais pas trop comment ça se prononce en danois, 4, mais voilà, sachez que c'est le nom de cet album. Et c'est parti. We'll be right back. suivante, grand écart géographique, puisque tout d'abord nous aurons le One Man Band américain Engulf, le groupe de death plus, parce que c'est extrêmement riche et hyper inspiré, un peu tech, un peu brutal, à la sauce d'un Eternal, vieux Decapitated, etc. C'est hyper solide hein, pour un projet death solo, c'est pas toujours évident de tout bien faire ressortir, notamment au niveau des inspis. On retrouve des petits guests, hein, Sven de Abortide et Enrico, le vocaliste de Hideous Divinity. Donc un premier véritable album de Engulf, ultra solide et à découvrir. Bipolar Architecture, ensuite on est sur du post-metal qui nous vient de Turquie, actif depuis 4 ans seulement. Lysico se situe entre Istanbul et Berlin, c'est le second effort studio sous forme d'album qui sort, chez Pelagic Records pour l'occasion. 7 morceaux sur une musique assez riche, prenante, post-metal, des vocaux assez black, quelques petits relents post-hardcore, voire même djent. Voilà, on peut rapprocher ça sans trop serrer les fesses d'un Cult of Luna ou autre Amenra. C'est à la fois planant, massif, viscéral et chirurgical, la musique des Turcs de Bipolar Architecture. Au niveau des morceaux, on va s'écouter tout d'abord Engulf Billows from the Aether, extrait d'album The Dying Planet Weep, cette espèce de cosmic death metal. Une sortie sur le très bon label Everlasting Spew Records. Bipolar Architecture, ensuite Disillusioned, extrait d'album Metaphysicize. Et c'est parti pour la suite de la diff. toujours à l'écoute d'Elmanger, le rendez-vous métal sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et on est dimanche soir, et c'est déjà l'heure d'attaquer l'aspect française. Aspect française que l'on entame avec une nouveauté, enfin vous allez voir, il y a 4 doublettes dans l'aspect française. Il y a 4 nouveautés à s'écouter ce soir. Necrovitch tout d'abord, qui sort l'album Sword of Jahal, Dajjal, pardon. Je vais pas aller dans le bon ordre. Une sortie Season of Mist, 10 ans après le premier effort studio. Necrowretch nous sort un excellent nouvel effort studio. Je dis excellent, je ne l'ai pas encore écouté en entier, mais il est très plébiscité. Et les premiers extraits ne me feront pas dire le contraire. On est sur du très très très très bon, une fois de plus, putride Blacknet Death. C'est le 5e effort studio, 15 ans d'existence. Le premier album était sorti donc il y a 10 ans. C'est bien identifiable hein, la musique de Necrowretch maintenant. Un peu moins de 40 minutes d'un Black Death toujours aussi violent, haineux, des passages un peu plus rampants, baveux. Au niveau du thème abordé, la figure de Dajjal, soit en gros l'antéchrist dans la religion islamique. On enchaîne avec Aoratos, le groupe de black venu de région parisienne, qui s'est formé en 2018 et qui vient de signer chez Les Acteurs de l'Ombre. Il nous offre là un black mellow un peu mystique, c'est à la fois intense et aéré, selon les séquences que vous aurez au niveau des oreilles. Vite, ces séquences acoustiques un peu plus posées permettent de respirer dans la tornade musicale de Aoratos. Les textes sont en français et on retrouve le vocaliste Aaron, Martin pour les intimes. Bien sûr, la voix est tête pensante de l'autre excellent projet black metal parisien, Griffon. Au niveau de la zik, on va s'écouter tout de suite les extraits suivants. Necrowretch Xar Al-Kufar, extrait de l'album donc Sword of Dajjal. Aoratos, le Hiérophante, extrait de l'album Ecclesia Gnostica. Et c'est parti. We'll be right back. descendant du mage pharaon Toutmosis, premier des alchimistes. Toi, le hiéroponte, aide-nous à pénétrer la droite. La doublette à venir, comme annoncé juste quand on a attaqué l'aspect française. C'est une doublette maintenant de nouveautés. 20 Seconds Falling Man, enchaîné à Exocrine. On va donc se prendre le temps de présenter ces deux formations qu'on rentre dans l'émission de ce soir. 20 Seconds Falling Man, tout d'abord, on est sur du post-metal post-hardcore qui nous vient de Nantes. C'est le second effort studio longue durée qui vient de sortir. Le groupe s'est formé il y a une bonne douzaine d'années et un EP avait vu le jour en 2011. Et suite à ça, le groupe a tout simplement splitté. Et quelques années plus tard, voilà, retour aux affaires. Et depuis le 2018, le groupe ne cesse de monter en puissance. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nouvel effort studio ? 7 morceaux, on est sur une moyenne d'à peu près 5 minutes. Une recette très post, un peu tout. Globalement, c'est lourd, c'est suffocant, tout à la fois planant, à classer vraiment dans cette veine post-metal, hein, qui n'est pas sans surprendre. Et on fait le gros lien avec Bipolar Architecture, qu'on vous a diffusé un peu plus tôt. Avec un gros jeu au niveau des lignes vocales, à la fois extrême et à la fois lumineux, pour donner toute cette dimension extrême du post-metal en tout genre. Exocrine, juste ensuite, le groupe de prog Tech Death qui nous vient de Bordeaux. C'est un groupe on ne suit pas plus que ça, même si on est attentif à leur sortie. Hyper prolifique, 6 albums en 10 ans d'existence. Le groupe ST chez Unique Leader, excusez du peu, et au passage, ils viennent de rejoindre l'écurie française 69 Mist. On reste sur du tech death ultra inspiré, ultra maîtrisé. Ça vient de Bordeaux, c'est du tech death Coucou Gorod, avec cependant une ambiance un peu plus épique, théâtrale, cinématique, même dans la musique proposée par Exocrine, aux thématiques toujours très riches, creusées et poussées. Tous les secondes, Falling Man, tout d'abord In the Gloom, extra d'album Resilience, Exocrine, le titre sobrement intitulé Life, extra d'album Legend. C'est parti, bonne écoute.